URSS 1946. La Seconde Guerre mondiale vient de finir. L'URSS souffre encore des affres de la guerre, mais, comme vous le savez, l'URSS reste droite et solide. Malgré que la guerre soit terminée, on vous propose une dernière mission. Vous êtes envoyé à Providenia, une petite ville militaire et portuaire au nord-est de la Russie. Il y a de cela un mois, une équipe a été envoyée sur la petite île de Providia, au large du port. Après qu'un avion, un IL-2 exactement, ait remarqué la présence sur cette île, une présence militaire. Mais ce qui a retenu votre attention, c'est les formes présentes sur le drapeau, arborées par un convoi naval. Vous avez remarqué une croix inclinée à 45 degrés dans un cercle blanc. Pas besoin de définir les couleurs, vous savez exactement de quoi je veux parler. Une quinzaine de militaires, un petit groupe de scientifiques, ont débarqué sur cette île, il y a un peu plus d'un mois. Donc comme je vous le disais, une première équipe a été envoyée. Le problème, c'est que cette équipe n'a jamais donné de suite à cette mission. Vous êtes envoyé sur cette île de Providia pour rechercher toutes les infos que l'équipe première n'a pas su vous transmettre. Vous êtes aussi envoyé pour savoir ce qui s'est passé par rapport à cette équipe. Que faisaient ces Allemands sur cette île? Récemment, vous avez reçu de nouveaux clichés de cette île de Providia. Ce qui est étrange, c'est que 90% des clichés sont troubles, flous. Vous n'arrivez strictement rien à discerner dessus. Sauf sur un cliché, où justement, il n'y a aucun signe de vie sur cette île. En tout cas, que vous pouvez voir vu du ciel. Retranscrit en dessous de ces photos, un dépôt verbal du pilote de l'IL-2 qui est passé sur cette île, qui décrivait l'atmosphère comme très électrique. Un ciel couvert de nuages noirs. Et la sensation étrange qu'une présence rôdait sur cette île. Quelques jours plus tard, un pêcheur au large de Providenia aperçut de nombreux débris flottants et a aperçu un corps flottant au milieu de l'eau. Mais ce qu'il rapporta n'était plus vraiment humain. Il n'y avait qu'un bras, une tête fixée sur un demi-torse, laissant apparaître une colonne vertébrale. Et gravé, à même la poitrine, quatre mots. Liberate mi ex inferis. Vous vous trouvez à l'heure actuelle dans un véhicule de transport, en route pour la ville de Providenia. Vous êtes à l'arrière, il fait froid, et surtout, il pleut. Qu'est-ce que vous faites ? Pendant ce trajet. Je fume clope sur clope et je regarde les documents qui sont en ma possession pour me remémorer la mission et éventuellement refaire un topo avec les gars sur place. D'accord. En arrivant. D'ailleurs, en parlant d'arrivée, vous savez que vous avez un contact là-bas, sur la ville de Providenia. Vous avez un nom et une très vague description. Le sergent, entre guillemets, Kotomov. Une quarantaine d'années. C'est à peu près tout ce que vous savez sur la personne qui doit vous accueillir. Ok. Il fait pas partie des Silverfang? Non, absolument pas. Ok. C'est un ancien militaire qui est resté sur cette île, enfin sur cette ville, pardon. Excusez-moi. Après un peu pendant la guerre, il était là-bas pour un peu gérer le côté militaire de la ville. Ok. Les Du coup, autres? pendant le trajet, je suis un peu perdu dans des pensées pas forcément très nettes et je joue machinalement avec un couteau. Mon couteau. Très bien. On a une carte de l'île? Absolument pas. Ouais, pareil, plutôt dans les pensées, très concentré, on va dire. Manque plus qu'une personne. Question, est-ce que j'ai mon genre une trousse de premiers soins avec moi ou... Alors oui, toi tu as. C'est la. D'ailleurs, c'est la. Vous n'avez aucun matériel sur vous. Vous savez que vous pourrez en avoir sur place. Sauf le doc qui a toujours son nécessaire médical sur lui. Ça c'est la seule chose qu'il demande, c'est avoir toujours son matériel à lui pour être sûr de sa qualité. Ok, alors bah, pendant le trajet, je m'amuse un petit peu avec mon scalpel, je frotte la lame contre ma peau, c'est comme un rasoir à 45 degrés. Ouais. Je m'amuse un petit peu avec comme ça, pour vérifier qu'il est bien tranchant. Très bien. D'un coup, sortant de vos pensées, une voix. Nous arrivons dans 10 minutes. Tenez-vous prêts. Vous voyez devant vous la forêt qui devient de plus en plus de moins en moins épaisse. Pardon. Et devant vous se dessine une ville. Vous arrivez. Vous descendez. Là, vous entendez une voix, un peu rauque, un peu cassée. Hey, les Silverfang! Vous avez fait bon voyage? Kotomov, qui vient vous rejoindre. Ah, bon voyage, bon voyage. Je peux pas trop dire. Parce que venir se perdre sur une île est vraiment un bon voyage. Vous n'êtes pas sur une île encore, hein, vous êtes dans une ville portuaire. Ah oui, on est juste dans la ville, pardon, excuse-moi. Mais pour le but du voyage, on va Oui. dire. Il est au courant de notre mission, lui? Oui, il est au courant. Enfin, en tout cas, dans les grandes lignes, quoi. Il est là pour vous accueillir et vous servir un petit peu de guide et répondre un peu à vos Ok. besoins, quoi. D'ailleurs, quand vous le voyez. Vous voyez un petit peu de laisser-aller quand même. Il a la quarantaine, bedonnant, la veste militaire est ouverte, un t-shirt un petit peu crade en dessous, le pantalon monté un peu haut, les rangers pas très très clean quoi. Et un cigare à la bouche. Ça fait longtemps que t'es dans le coin, Kotomov? Oh, vous savez, quelques années déjà. J'étais là pendant toute la Seconde Guerre. J'étais même là un petit peu avant. J'ai dû gérer pas mal de transports maritimes. Essayer de faire vivre cette belle ville de Providence. Belle, oui. Oh, vous Elle a du savez. charme. On s'y habitue au bout d'un moment. Quand vous connaissez que ça pendant des années, Oui. vous essayez d'en voir le plus beau. J'imagine. Ben, vous avez dû le trouver et je désigne du menton son bide. Ah. Oh. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile ici. Tout le monde n'est pas Silverfang, hein. Exactement. Mais il faut aussi une autre vie en dehors des Silverfang. Oui, bien sûr. Bon, mon brave. Oui. Peux-tu nous emmener au quartier, là où l'on peut se préparer et éventuellement revoir notre plan et ce genre de choses? Bien sûr, suivez-moi. Je vous emmène à la base. Et là, grosso modo, voilà, vous commencez à déambuler dans les villes, dans les rues. Et vous apercevez un bâtiment pas de première jeunesse. Vous sentez que cette ville n'a pas été beaucoup utilisée pendant la Seconde Guerre. Et du coup, voilà, c'est un vieux bâtiment militaire. Il n'est pas à l'abandon, mais il y a encore de la vie à l'intérieur, évidemment. Mais c'est pas le haut de gamme des bâtiments militaires russes, quoi. Il ouvre les portes. Il y a une secrétaire qui est posée à l'entrée. Il monte son badge, il dit « Ils sont avec moi. Je les emmène pour leur matériel. » La dame le regarde. Hoche de la tête. Vous le suivez. Vous continuez de le suivre ? Ouais. Ouais. Vous avancez. Vous enfoncez dans un espèce de vieux dédale. Les murs suintent un petit peu. Une atmosphère un petit peu étouffante quand même. Dans ce vieux bâtiment. Et là, il ouvre une porte. C'est le dépôt. Vous avez des caisses avec le logo des Silver Fang dessus. Vous avez du matériel en tout genre. Ok. Bon, ben, du coup, les gars, préparez-vous, hein. Commencez à rassembler des affaires. Prenez de quoi survivre tout de même. Assez de matériel, mais pas trop. Il faut qu'on soit mobile, relativement léger. Si on a des zones à scout, il faut pas qu'on soit chargé de 50 kilos de matos. On pourra pas. L'île est vraiment très touffue. Ça va être le merdier si on est trop lourd. Ok. On en a vu d'autres. Reçu. Bien. Bien, faites-vous plaisir alors, messieurs. C'est la mère patrie qui régale. Et vous voyez Kotomov qui rigole et qui rallume son cigare. Vous finissez donc de préparer votre matériel tranquillement. Une fois cela effectué, que faites-vous ? Est-ce qu'on se repose ? Enfin, je pose la question, est-ce qu'on se repose ou est-ce qu'il y a besoin de revoir éventuellement des... J'aurais bien été aller voir le pêcheur qui a retrouvé le corps. Histoire d'avoir un peu plus d'informations et possiblement que je vois le corps avec le doc. Ouais. Là, Kotomov, tu regardes... Quelle heure euh... Ouais, c'est... Fin d'après-midi. Là, le temps que vous mettiez votre matériel, etc., ça a quand même pris quand même un peu de temps. Donc là, j'estime qu'il est plus 19h30, 20h, quoi. Ok. Tranquillement. Kotomov vous regarde, dit vous savez, les pêcheurs rentrent pas forcément tous les jours. Si je dis pas de bêtises, le pêcheur, et il est pas rentré. Par contre, le corps est pas bien loin. Si vous voulez, je peux vous y amener. Ce sera toujours ça. Ouais. Je sais pas ce que. Doc, ça vous dit d'aller voir le corps ? Bah ouais, hein. Ce sera toujours intéressant. Bon. On paye d'autres indices supplémentaires de toute façon. C'est sûr. Bon, okay. Bah, Koto. Et bah. Je vous y emmène. Pas de soucis, je vous y emmène. Donc vous voyez. Juste. Oui. En préparant mon matériel, je glisse un scalpel dans ma chaussette. Ok. Pas de soucis. Ma botte. Et vous suivez Kotomov, qui tranquillement est un peu tranquille. Vous voyez qu'il a une démarche très très posée, pas très droite. Hein. Il marche, et vous sentez que voilà, l'ordre truc militaire, ça lui passe clairement au-dessus de la tête, quoi. Il ouvre les portes, il passe. Je le dévisage, il m'insupporte en fait. Vous voyez que. Je crois qu'il prête même pas attention à ton regard au final. Il avance. De toute façon, vous êtes derrière lui. Et il arrive devant une espèce de double porte assez grande. Vous lisez l'inscription morgue dessus. Il appuie sur un bouton. La porte s'ouvre. Et là, à l'intérieur, vous voyez un doc. Petite lunette sur les yeux. La cinquantaine bien tassée, cheveux bien grisonnants, un peu fin, petit, à la limite d'être famélique, mais tout en air. Bien, bon gars, bien dressé dans le froid, vous voyez, c'est même froid dans sa diction. vous accueille, bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous aider? Nous aurions voulu inspecter le corps qui a été retrouvé par le pêcheur. Ah. Qui proviendrait de l'île. Et que pendant que tu lui parles, en fait, il t'a limite tourné le dos. Et il est allé ouvrir un de ses tiroirs. Vous parlez de ça. Et il tire le tiroir un coup sec. Vous allez tous les quatre me faire un jet de constitution. Vous voyez que votre chef blêmit à la vue de ce que vous avez devant vous. C'est un petit peu étrange de sa part parce qu'il a quand même vu pas mal de choses affreuses pendant ses années de service. Mais il faut dire que ce qu'il y a devant vous, c'est une des choses les plus crades et violentes que vous ayez pu voir à ce jour. Vous voyez vraiment un tiers de corps humain déchiré, déchiqueté par endroits. Un seul bras. La tête plus vraiment humaine. Un ersatz de colonne vertébrale au milieu du corps. De la chair en putréfaction. Et toujours ce message sur le torse. Doc. Liberate in ex inferis. Liberate mi ex inferis. Ah, oui. ME. Liberate me ex inferis. Pardon. Okay. Délivrez-moi ci-dessus. De l'enfer. Doc, t'as étudié le latin? Un petit peu. Fais-moi un jet d'intelligence. Médecine, minimum d'éducation, du coup. Ouais, fais-moi un petit jet d'éducation, Murphy. Avec... Du coup, moi, pendant, quand je vois le notre leader blêmir, je lui pose une main sur l'épaule et je tiens fermement en mode allez, courage. Ça passe pas? Non. Non. Oh, oui, bah 77, de toute façon, j'ai mis les max à 75. T'as le début, mais tu comprends pas tout ce qu'il y a noté sur son torse, quoi. Libérez-moi. Et tu sais, arrives pas. Le cours de latin, il commence à remonter à longtemps. J'ai plus... Ce que je pratique, c'est la médecine. C'est pas la littérature. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Quoi qu'il arrive, on comprend le sens général du message. Pas bon signe. Non. Aucun message n'est forcément bon signe. Même si c'était écrit. Je vous aime les copains, ça aura pas forcément été bon signe, ça reste un meurtre. Ils ont quand même fait de sacrés dégâts ces putains de nazis sur ce corps là. Ah, rien ne dit que ça soit eux. Ah, tu veux que ce soit qui d'autre? Murphy, je pense que c'est des dégâts humains. Murphy, tu me fais un jet d'observation si tu regardes le corps évidemment. Oui, bien sûr. Ok, bah fais-moi un jet de. Je les écoute pas, ça m'intéresse pas ce qu'ils disent. Moi, je suis concentré. Toi, c'est Victor, c'est ça? Non. Oui, moi aussi, c'est Victor. Ouais. Donc, perception. Je crains que ça ne passe pas. Ça passe pas de 1, en effet. Donc, tu observes, tu trifouilles, tu... Évidemment, au premier lieu, tu mets des gants. Tu mets tes doigts là où tu peux, tu... Ça fait des bruits bizarres quand tu mets tes doigts. C'est très sale, c'est très... mort. Ça change la musique. Malheureusement, je n'ai pas grand chose de. À ce niveau-là. Cramer un crit pour pas vomir. Donc, du coup, tu trifouilles et tu trouves quelque chose. Tu trouves une dent. Une dent de poisson. Qui se nichait là, un petit peu au milieu des chairs. C'est tout ce que tu remarques. Là où c'est arraché. Ouais. Je prends un forceps et puis je la ressors et puis je la montre à l'autre médecin en disant t'en as trouvé d'autres des comme ça? On en a trouvé une ou deux, mais celle-là a dû nous passer. Elle devait être bien enfoncée dans les chairs, je pense. Elle était beaucoup enfoncée ou... Les autres, oui, un petit peu quoi. Genre, s'ils ont dû faire juste un examen de surface, ils ont dû trouver une ou deux quenottes qui étaient plantées par là et puis... Ok. Et donc, coup, je la pose dans un petit bac puis je lui dis, prochain coup, vous essayez de faire mieux votre travail. Tu réagis pas. En même temps qu'ils trouvent deux dents ou trois dents. S'ils ont loupé ça, ils ont pu louper autre chose. Et vous estimez que la cause du décès est liée à quoi? Au Kenot là ou concrètement, il était mort avant? Avec ce qui reste des dents, avec ce qui reste du corps, on peut pas faire beaucoup estimation. On suppose qu'il a passé quelques jours en mer, qu'il s'est fait grignoter par ses habitants. Il y a que ce message qui est étrange. Tout semble laisser croire qu'il se l'est infligé lui-même. En effet, quand vous regardez, en fait, c'est écrit comme si c'était lui qui pouvait le lire. En fait. De bas en haut, ok. Donc, enfin, du coup, de sa gauche à sa droite. Ouais, et le haut en bas, le bas en haut. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, on ne pourrait pas dire grand-chose de plus sur ce qui a pu se passer pour ce pauvre homme. Qu'est-ce qui peut forcer un gars à se graver littéralement un message dans la poitrine avant de crever dans l'eau? Je sais pas. C'est... Est-ce que c'est genre de moins en moins net au fur et à mesure que c'est tracé ou c'est tout aussi bien tracé sur tout le truc? C'est plutôt très bien tracé. Du coup, pendant qu'il se pose les questions, je les interromps, je leur fais ouais, s'il se les gravait lui-même, soit il était complètement taré et insensible à la douleur, soit c'est pas lui qui l'a gravé parce que c'est tout aussi régulier tout le long, donc il aurait au moins commencé à trembler ou... C'est gravé profond ou c'est... Gravé... Non, c'est pas très profond. Disons qu'il a pas rentré une demi-lame dans son torse. Il a rentré un bon 1-2 cm quoi. Tu sais, il ouais. y a des malades qui se scarifient. Hein. Ouais, mais là, c'est pas juste des scarifications quoi, c'est 2 cm, c'est profond. Il aurait pas eu le temps d'écrire tout ça sans broncher. Après, ce n'est que mon avis de médecin. Hein. Il est entendu. Bon, si on en a fini et que l'autopsie n'a pas donné... On aimerait n'avoir aucune identité, du coup. Non. Il n'y a pas de plaque d'identification... Juste un corps. Et il est pas connu du coin. Non. Puis concrètement au niveau du visage. Une disparition qui a été donnée ou pas dans le coin? Non, enfin vous savez, ici les pêcheurs vont, viennent. Certains reviennent pas. Ici la vie est assez dure et les gens se soucient de leur vie avant de la vie des autres. Oui, on n'est pas une disparition près de toute façon. Exactement. Oui. Ils devraient plutôt se soucier de la vie de la mère patrie plutôt que de leur vie. Enfin. Dites-moi, vous avez pas vu des signes, des tatouages ou quelque chose qui pourrait signifier son appartenance à quelqu'un, quelconque groupe? Nazi. Absolument pas. Là, le corps, le bras est pareil. Il est un petit peu grignoté. Il est pas complet, quoi. Et c'est okay. Vous avez un ersatz de corps, quoi. C'est. Ouais, mais on voit pas, genre, je sais pas, un bout de tatoué. Non. Ok. Bon. messieurs, je pense qu'on en a fini ici. Je crois pas qu'on obtienne plus de ce gaillard. Non. Vous voulez faire quoi, du coup? Donc là, il est quelle heure, là? Oh, on se rapproche des 21h. Ok. Tranquillement. Bon, je vous propose qu'on aille se restaurer un peu, faire un plan sommaire, histoire de récapituler un peu comment ça va se passer, et puis du repos. Et demain, on attaque très tôt. Ça me va. C'est noté. Bon. C'est bon pour moi. Kotonov. Ouais, justement, là, quand il vous entend parler de vous restaurer et d'aller dormir, vous dit, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Je vous ai préparé 4 chambres d'hôtel en face. Vous avez de quoi vous sustenter. Un très bon petit restaurant, vous inquiétez pas. J'ai choisi le meilleur du coin. Ça fait rêver. Douce attention, merci. Ah, écoutez, pas tous les jours qu'on a les Cyberfang chez nous. Non. Et j'espère que ça pourra apporter un peu d'ordre dans cette petite ville. Qui vivra verra. Exact. Allez-y, suivez-moi. Avant de partir, je dis juste au médecin, je veux absolument que vous me transmettiez toutes les informations que vous pourriez découvrir sur les prochaines autopsies. Très bien. On aura une communication avec l'extérieur ou pas une fois sur l'île? Tu verras. Je pense qu'il faut pas trop compter là-dessus. Ok. Ton chef a tout dit. Et alors, du sortez. Coup, pendant qu'on marche, je voudrais demander à juste. Hey, Kotomov, t'as pas une carte de l'île ou même un truc vague? Moi, pas avoir ça, mais par contre, demain matin, pensez à faire peut-être un tour sur le port. Peut-être que certaines personnes pourront vous fournir ça. Essayez de parler à des vieux de la vieille. Les jeunes n'ont plus l'air très intéressés à passer autour de cette île, je sais pas trop pourquoi. Mais ils pourront peut-être vous en dire plus. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sert à quelque chose. Il répond pas. Vous continuez de le suivre? Ouais. À défaut, ouais. Vous sortez du bâtiment. Vous laissez derrière vous ce vieux bâtiment militaire d'une autre époque. Et vous avancez, vous enfoncez dans des ruelles. Et puis là, au bout de quelques centaines de mètres, sur votre gauche, se trouve, de prime abord, se trouve un petit bâtiment qui a pas l'air de... qui paye pas de mine. Mmh. Et il vous dit, c'est ici que... vous pourrez manger ce soir. Vous inquiétez pas, c'est moi qui régale. Et il vous laisse entrer. Par contre, je me joindrai pas à vous. J'ai d'autres occupations ce soir. Très bien. Passez une bonne soirée. L'hôtel se trouve juste en face, ne vous inquiétez pas. Oui. Vos chambres sont réservées. Nous nous y retrouvons. Merci. Passez bonne soirée. Merci. À vous aussi. Merci beaucoup. Et donc, vous entrez dans ce restaurant. À l'intérieur, une ambiance plutôt conviviale. Très chantante, dansante, très chaleureuse. Vous vous installez à une table, au fond, au calme. Eh ben, je comprends mieux d'où vient son ventre à l'autre, là. Ça a bien l'air d'être le seul endroit joyeux dans cette putain de ville. Mmh. Profitez-en, parce que demain, ça va pas être la même. Et du coup, quand vous êtes installé, vous voyez un serveur arriver. Il arrive pas les mains vides. Vous voyez une bouteille. Une bouteille bordant un liquide transparent. Pas de marque sur cette bouteille. Et 4 shooters. Il vous les dépose à votre table, il dit c'est pour la maison. Bienvenue au Providenia. Merci. Il vous adresse un signe de respect. Et il vous sert ce liquide dans vos shooters. Pose la bouteille et s'en va. J'ai une petite question, vite fait. Ouais. Est-ce qu'on a un patch, un signe qui montre clairement qu'on est des Silverfang? Oui. Ok. Est-ce que c'est de l'eau? Non. Non. De l'eau de patate, éventuellement. Voilà. Trempe les lèvres, tu verras. Approche-la du nez, ça devrait suffire. Oui. Non. Ah, du coup, j'entreprends de servir nos... Il a pas servi, on est d'accord? Ah, si, si. Si, si, il a servi la première. Bon, bah, je prends mon shooter. J'en attrape un aussi, ouais. Das Brovier. Et puis je trinque avec mes gars. À la voce. Je ne bois pas. Et à la Russie. Qui c'est qui ne boit pas? Moi. Doc. Doc? Ok. Moi j'avais le cul sec, du coup. Pareil. Cul sec, je tape le verre sur la table. Vous sentez qu'elle réchauffe de l'intérieur quand même, cette vodka. Hein. Elle, vous sentez qu'elle a été faite artisanalement, quoi. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, mais ça fait du bien par là où ça passe. Il fait pas chaud dehors. Hein. Vous êtes quand même bien tu au nord. Tu devrais essayer, Doc. Tu devrais comprendre. Ça t'aiderait à comprendre un peu comment ça se passe à l'intérieur. On sent toute la descente. Ah oui, là, ça prend tout le système digestif. Hein. Système digestif, je préfère ouvrir un corps pour le comprendre. Il est joyeux, le Doc, dis-moi. C'est ton choix, hein. Bon. Là, le même serveur arrive avec 4 assiettes. Bien garnies. Elle les pose sur la table. Je dis au serveur, vous me ramènerez une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Je vais faire ça tout de suite. Bon appétit. Merci. Vous merci. Comprenez que c'est un petit peu le seul plat servi ici. C'est bien garni, il y a de la viande, il y a de l'accompagnement, c'est un petit peu lourd quoi, c'est pas très diététique. Mais vous vous doutez que au vu de la vie un petit peu rude du coin, que c'est ce qui fait tenir 99,9% des habitants de cette ville, c'est une nourriture bien qui tient bien garnie. Et excusez-moi petit erratum, ce n'est pas de la viande, c'est du poisson que vous avez. OK. Ça se tient. Ouais. Vous mangez? Ah oui, du coup. Ouais. Genre pas à faire péter le bide, hein, mais juste moi perso. Tu vois, la fin normale, quoi. Avant, j'hume mon plat, j'essaie de. Je sais pas. Eh ben. Ça sentir, sent très très bon. Ok, c'est de la bonne bouffe quand même. Oui. Ok. Même pas pris le temps de sniffer quoi que ce soit. Moi. Et au moment où vous commencez à manger. Vous régalez. Vous dites que la nourriture est clairement plus bonne que ce que la gueule de l'établissement laissait supposer. Ça a été, c'est peut-être le seul plat préparé, mais c'est un plat qui est bien préparé. Eh bien, le Kotomov, il nous a pas menti sur ce coup-là. Il peut pas être compétent en tout, hein. T'as vu son bide? Ah, il a dû tester, lui, ça se voit. Oh oui, plus d'une fois. J'avais bien envie de lui en mettre à sa place, ce sergent Kotomov. Bon, après, faut le tu comprendre. Sais, quand t'es paumé ici, j'avoue qu'à sa place... Un peu de rigueur, tout de même. La preuve. C'est plus facile de garder la rigueur quand t'as un cadre. Ça doit faire des années qu'il a pas vu un supérieur hiérarchique, lui. Et ben justement, il aurait mérité un petit coup de pied au cul. Et pourtant, il aide toujours la Russie, regarde. Ouais, je lui en voudrais pas, c'est pas beau. Non, c'est sûr. D'après vous, qu'est-ce qu'il avait à faire ce soir? Je sais pas. Je m'en fous. Aussi. Ouais, c'est une bonne réponse. Et puis, c'est pas plus mal qu'il soit pas là. Il pue, on est d'accord. Ouais. Un peu négligé. Euphémisme. Enfin bon. Là, Doc, t'as le serveur qui revient avec une bouteille d'eau qui s'excuse un petit peu pour le temps que ça a pu prendre. Oh, et pas de soucis, j'ai l'habitude. Moi, je refais une tournée de shooter pour les gars. Ah non, moi ça ira, mon ami. Je t'avoue que si on doit être prêt pour demain, j'ai pas envie de me retourner le bide avec ce machin. Bon. Juste un dernier pour la route. Oui, voilà, histoire de clore le repas. En digestion. Je vais trinquer le verre d'eau avec notre ami le Doc pour une fois. Faites don. Bon, bah, messieurs, à cette mission qui s'annonce prometteuse. Prometteuse. D'ailleurs, avant d'aller vous reposer tout à l'heure. Il faudra qu'on reparle de tout ça plus en privé. Et de voir comment on va s'organiser. Et puis voilà, je finis mon assiette et je prends cul sec mon verre. Très bien. Ouais, je finis de mon côté aussi. Comme la même. Genre, je suis quand même un solide gaillard, donc le plat, je suis bien content qu'il soit copieux. Tu m'étonnes. Moi, je pense pas que je le finis. J'ai laissé. Je pense qu'ils ont l'habitude, hein, quand tu vois sur les tables ce que les gens laissent. Il n'y a pas trop de soucis. Ils ont pas l'air d'avoir grand chose à bouffer, et pourtant ils en laissent toujours la moitié. Bon, messieurs, on y va. Je vous suis. Je me lève de table. Allez. Je vais. J'essaye de choper le serveur. Oui, tu le vois, il est là en train de récupérer 2-3 affaires sur des tables. Okay, je lui fais signe. Ouais. Il fait signe de venir. Il pose ses affaires et il vient tout de suite. Ce qui reste dans nos assiettes là. Ouais. Tu me fais le plaisir de donner ça aux personnes qui en ont besoin. Oui, oui, vous inquiétez pas, ça sera fait. Merci. Merci à vous. Bon, et puis bonne soirée à vous. Merci beaucoup. On voit qu'il a un large sourire sur son visage. Et je tourne les talons et je me casse. Ok. Je vais en direction de l'hôtel. D'accord. Les autres, vous suivez votre chef ? Oui. Ouais. Ok. Et vous vous dirigez vers l'hôtel. L'hôtel, vous avez une dame, un petit peu âgée, un peu en chair, se trouvant derrière le comptoir. Et quand elle vous voit arriver, elle comprend tout de suite. Et sans même dire un mot, elle vous tend 4 clés. Je vous attendais, messieurs. Je vous ai préparé 4 chambres. Si vous voulez, vous pouvez monter tout de suite. Elles sont prêtes. Elles ne seront rien que pour vous. Très bien. Ouais, je prends les clés, je la remercie. Passez une agréable nuit. Merci, de même. Merci. Je commence à monter. Monter un étage. 2 étages. Et au deuxième, les 4 premières chambres se trouvant sur votre gauche. 201, 2, 3 et 4 sont vos chambres. Okay. Je regarde le numéro sur ma clé, j'ai laquelle ? Peu importe. Ok. Ah non, c'est vrai, putain, il y a le... Bon, bah je vais prendre la 201 et puis après vous débrouillez. Ouais, vas-y, je pars sur la 202 alors. Je prends la dernière, la 204. Eh ben, Louis, t'es toujours là ? Oui, oui. Ok. Eh ben, vous entrez. Vous trouvez une chambre assez spartiate. Très simple. Un lit. Un lavabo. Qui a un petit coin d'eau. Un toilette dans une pièce un petit peu à l'écart. Mais voilà, il n'y a pas de fioritures, pas de... Pas grand chose d'extraordinaire dans ces chambres. J'appelle. On se retrouve dans combien de temps, chef ? Maintenant, on fait ça maintenant, comme ça, ce sera fait. Okay. Et après, vous aurez quartier libre. Donc, venez dans ma piole. On va faire ça là. Donc, pour appeler la mission, demain, on va partir sur l'île de Providia afin d'obtenir des informations sur l'équipe 1 qui a disparu. Récupérer donc toutes les informations qu'ils ont pu avoir, les nouvelles qu'on va certainement trouver, savoir ce qui se passe sur cette putain d'île et essayer de comprendre un peu pourquoi... L'IL2 à shooter toutes ces photos de façon médiocre. Pourquoi on a vu une équipe de nazis, etc. Et putain, il y en a des choses sur cette île, dis-moi. Ouais. Ah bah, il y a un mec de moins déjà. Il est à la morgue maintenant. Et on n'a pas pu voir le pêcheur. Vous pensez qu'on pourra le croiser demain matin? Je sais pas. On va essayer de... Ça va être la première chose à faire avant de partir. On part à 6h, pétante, du port. Donc il faut qu'on passe récupérer notre barda et qu'on interroge les pêcheurs à la levée demain matin très tôt. On sait où on a perdu le contact avec l'équipe 1 hein. Pas que je sache. D'ailleurs, en rejetant un petit coup d'œil sur les photos, vous voyez qu'il y a une chose qui n'a absolument pas changé entre la première et la dernière valide, la dernière en tout cas visible de photo. Il y a toujours ce bateau nazi amarré. Il n'a pas bougé d'un iota. Ok. C'est... Il porte les couleurs. Oui, il les portait au début. D'accord. Il les porte plus maintenant. Du coup, on a. Est-ce qu'il y a moyen de vite fait tracer une vague carte de la à partir des photos histoire de quand on sera sur l'île essayer de se repérer. Grand chose mis à part l'endroit où est ce bateau et donc vous supposez que c'est là que l'équipe la première équipe russe s'est trouvée en fait. Oui non mais ce que je veux dire c'est que on a toute l'île sur les photos ou juste. Oui mais il y a beaucoup d'arbres en fait. Oui vous non mais ce que je veux dire c'est faire un contour. Et comme ça nous après si jamais on trouve des trucs importants on essaiera de les placer si besoin. Ouais bah après ouais, vous pouvez faire le. Voilà vous pouvez faire un contour de l'île. Mais tu pourras pas faire grand chose de plus quoi. Non non mais c'est faire une carte qui pourra évoluer si on trouve des trucs importants qu'on puisse se repérer ouais. Une fois sur l'île. Je la dessinerai. Ah bah quitte à y crever, autant au moins laisser les indices sur les prochains. Moi j'ai pas prévu de crever. Hein. Moi non plus, mais si t'y tiens vraiment, on peut s'arranger. Je sais pas. Mauvais pressentiment. Calmez-vous les gars. Si vous crevez, non mais je dis ça comme une faveur. Vos corps. Oui, et puis comme ça tu pourras savoir ouais. Comment le système ouais, digestif marche. Exactement, c'est exactement ça que je pensais. Vous savez qu'il t'a crevé autant que vous soyez utile pour la science. Oui. Je préfère servir la mère patrie. Exact. Du coup, on commence par où demain, une fois sur l'île? Eh bien, je pense qu'on va inspecter le bateau nazi. Et on s'enfoncera jusqu'à ce qu'on trouve. C'est ce qu'on plutôt cherche. Ça. Bon bah messieurs, si vous n'avez pas de questions sur la marche à suivre, je viendrai vous réveiller dans quelques heures afin qu'on parte faire notre enquête. Ça me va. Bien. Bien reçu. Eh bien, vous êtes libre. Bonne soirée, bonne nuit à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir chef. Je leur fais un signe de tête et je les raccompagne jusqu'à la porte de ma demeure. Ouais pareil, bah du coup je rejoins ce qui sert de piole. En sortant sur salut le... les camarades. Sur le pas de la porte du coup de notre chef d'équipe, je lui fais un salut très formel, militaire. Je le salue en retour. À partir du moment où il m'a salué, je relâche... comme le veut l'usage. Ah du coup ouais je rentre dans ma piole après avoir salué effectivement les et donc la vous couchez les collègues. Je ferme ma porte à clé, je mets un gun sous mon oreiller et et ouais après je vais me coucher assez sereinement. Bon je divague un peu dans mes pensées pendant quelques temps et puis après je me repose, je tombe de sommeil. Ouais bah moi je tombe et je ronfle. Moi je pose juste mon manteau, je m'allonge habillé sur le lit, toujours avec mes chaussures. Je me mets pas sous la couverture. Juste, je m'allonge comme ça sur le lit et jusqu'à m'endormir. Très bien. Votre nuit se fait. Ah, Louis, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Je me couche juste tranquillement. J'ai mon couteau sous le coussin, mais ça, c'est une habitude constante. Et je me mets au lit sans plus de précaution. Très bien. Votre nuit se fait bercer par le bruit de l'océan, l'orage et la pluie qui n'ont de cesse de s'abattre sur cette ville de Providenia. Et il y eut un soir, il y eut un matin, et vous vous réveillez. Bon, du coup, je me lève. Il est 5h du matin. Et je vais rejoindre les gars. Enfin, je me passe de l'eau du lavabo vite fait sur la tronche, histoire de se rafraîchir un peu. Et je vais frapper à la porte de mes soldats pour voir s'ils sont prêts, parce que ouais, on a c'est la même. Messieurs, on se dépêche, on doit partir. Moi je sors. Je suis ponctuel. Très bien. Salut le chef. Là de la beach. Du coup, perso, j'ouvre la porte de ma chambre. Je suis un poil transpirant parce que, à partir du moment où je me suis réveillé, j'ai commencé à faire quelques pompes, les exercices du matin. Donc, il m'interrompt. Je m'essuie un peu. Je le salue. Bon, je vous laisse encore 5 minutes. On se retrouve en bas et direction la caserne, enfin le bâtiment de Kotomov, et on court au port. Dans une heure, on doit embarquer. Donc on s'active. Allez ! Et je descends. Un petit déj ou pas en face du coup ? Oui, vous pouvez prendre le petit déj en face tranquillement si vous voulez prendre un petit café et puis de quoi vous sustenter de manière conséquente. Il y a de quoi faire. Allez, chef, on a le temps de tout petit déj, 5 minutes, pas plus. Le café, leur bon temps. Bah, faut se l'enfiler alors. Bon, bah, on dépêche d'aller au resto alors. Histoire de se sustenter avant de partir. Donc c'est le resto qui est souvent fait, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, on vous amène un café bien noir, limite pétroleux, tu vois, au niveau de la... Limite quoi ? Pétroleux au niveau de la couleur, tu vois. Ah ok, ouais. Bien, tu sens que celui-là, quand tu le prends, tu te réveilles, tu vois. Et je mets 5 sucres dedans. Et tu te demandes pas s'ils ont pas mis un petit remontant maison quoi dedans. Justement, j'étais en train de me dire, est-ce que vaut mieux pas se prendre un verre de la vodka maison plutôt que son café là qui a l'air divin. Oh, les deux font le même effet. Bon, mais avec, on vous apporte quand même une petite assiette de petits mets du matin. Du poisson été... aussi ? Non, c'est genre des viennoiseries quoi, mais du local quoi. Je sens que ça a été fait avec amour quoi. Chocolatine au poisson. Non, normalement local c'est signe de qualité, là ici c'est... C'est de la poisson crutine. C'est de la poisson crutine. Ouais, je mords dedans, je sais. Okay. C'est vachement bon quoi. C'est pareil, vous kiffez vous kiffez ce que vous bouffez quoi, c'est... Bon, on n'a pas le temps donc, juste ouais. Une, le voilà. Café qui descend... C'est ça, c'est histoire de pas avoir le ventre vide et... Et on a qu'ils sont au petit-déj. Prenez-en un pour la route hein, si vous voulez. J'aimerais juste prendre des trucs de... genre des petites des rations de survie, faire un petit pactage. C'est dans nos affaires de... qu'on va récupérer auprès de Kotomov. Ok. C'est ça. que vous avez, enfin voilà, vous avez laissé vos sacs là-bas. Ouais. Vous avez pas traîné avec vous toute la nuit. Du coup, au cas où il fallait le préciser, quand même, je pense qu'on a tous pris une couverture et de quoi pas mourir de froid quand on dort, hein, mais. Oui, oui, bien sûr. Vous avez de quoi tenir là-bas sur place, y a pas de souci. Moi, vu que j'ai pas d'arme longue à feu à prendre, j'ai pris une casserole. Ok. Bien vu. Et du café hein, en gras. Une fois que j'ai fini mon petit déj que j'ai englouti, je me lève sans rien dire et je commence à partir. Je fais un salut au gérant quoi. Mmh. Et puis je trace. Je suis sur cette Au bâtiment militaire. Très bien. J'emboîte le pas. Je suis également. Sans trop de difficultés, et malgré une pluie bien battante, vous arrivez au bâtiment militaire, vous entrez, et vous trouvez la même standardiste que hier. Je balance un clin d'œil. Elle te répond même pas. Elle est dégueulasse. Non, t'as rien vu. Vous faites quoi? Il serait possible de voir Kotomov? Ah, Kotomov. Oui, il doit être dans la réserve, je pense. Je vous laisse libre accès, allez-y. Ok, bah, de toute manière, j'espère bien, ouais. J'essaye de retrouver là où on avait toute notre barda. Vous trouvez son problème. Ok. Et en effet, Kotomov est là avec un homme. Un peu de la même trempe que lui, mais un peu plus bourru, un peu plus vieux. Une bonne barbe. Posé à côté, Kotomov vous voit. Messieurs, bonjour, bon matin, devrais-je dire même. Oui. La nuit a été bonne ? Oui. On n'est pas habitué à autant de confort, hein. Donc elle fut plutôt bonne, oui. Merci. Très bien, très bien. Très bon restaurant, en effet. Oh oui, ça je peux le confirmer. Je vous présente Igor. Igor sera votre chauffeur, si je peux l'appeler comme ça. Il vous emmènera sur son bateau et vous emmènera directement à Providia. Je lui fais un signe respectueux. Vous voyez qui la caisse de la tête. Je salue. Salut militaire. Pareil. On partiront dans 45 minutes environ. Très bien. Soyez prêts. Passe au port. Pas de soucis. Mais on embarque depuis là-bas, j'imagine. Non, pas vraiment. Vous embarquez légèrement excentré du port. Ok. Kotomov vous indique où exactement le port. Vous le voyez. Le port, il est assez clairement visible, mais vous dit voilà, vous passez par là, prenez sur la gauche, et vous arriverez sur le grand embarcadère. Et de là, vous pourrez trouver les pêcheurs qui sont en train de s'affairer pour partir en mer. Très bien. Du coup, je suppose que Igor va pas nous attendre sur place. Non, en effet, il vous dépose et il reviendra ici. Je suppose aussi qu'on n'a pas vraiment moyen de vous contacter, du coup vous nous filez une fusée de détresse ou ça se passe comment? Exactement. C'est bien, tu es futé. Et il te tend en fait, il vous tend à tous des fusées de détresse. Vous avez juste à tirer sur un truc et ça part. Je le regarde avec le regard le plus haineux de ma vie. Tu sens que ça lui passe clairement au-dessus, en fait. Pour une fois que tu dis pas des conneries, Sacha, tu pourrais être content. Tu te fous de ma gueule. Et il vous l'étend. Il vous dit, vous aurez plus qu'à attirer ça en l'air et on viendra vous chercher. Ok. Là, merci. Faites-moi tout simple. Petit jet d'observation, s'il vous plaît. De perception. Perception, c'est ça? Ouais. Ok. Ah, ça rate. Je sais même plus combien j'ai. Ça passe. Je sais même plus combien j'ai. Ok, bah, Zarak a fait 90. T'inquiète, ouais. Hein. Ça rate. Victor, ça passe? Ou pas? Oui. Oui, ça passe. Donc, Victor et Alexei, oui. Vous êtes interpellés par un mouvement qui vient de derrière vous. Mmh. Vous retournez, vous voyez un petit jeune d'une vingtaine d'années en habit militaire en train de courir vers vous. Et il appelle Sergent Kotomov. Vladitch et Sacha, vous êtes surpris de l'entendre en fait. Vous étiez en train de discuter avec Kotomov et il vous surprend. Je me retourne vivement. Un peu sur la défensive. Et il arrive en fait, vous voyez un pli dans sa main. Et il le tend à Kotomov, qui le remercie gentiment, qui lui dit que c'est bon, il peut repartir. Et Kotomov te regarde, c'est Alexei. Il dit je pense que ceci c'est pour vous. Et il te tend une lettre. Je la prends. Scellée. Je regarde le sceau. C'est le sceau de la mère patrie. C'est okay. Le sceau des supérieurs. Tu vas passer avec moi en table JDR4, s'il te plaît. Yep. Alors, grosso modo, dans la lettre, elle te stipule que voilà, c'est vos généraux qui vous laissent un mot, qui vous souhaitent bonne chance pour votre mission. Ok. Et à l'intérieur, ils disent peu importe ce que vous trouverez ou ce que vous ne trouverez pas. Nous voudrions que vous fassiez le ménage sur cette île. Ok, vous nettoyez la zone. Nettoyer. Nettoyer la zone. Ok. Voilà. Ok. On peut rejoindre les autres. Du coup, je replie la lettre et je la mets dans ma poche intérieure de blouson. D'accord. Au milieu de mon calepin même. D'accord. Très bien. Donc vu qu'on est dans la réserve, tant que j'y pense avant de partir, je prends aussi les trucs éclairants là que tu craques, enfin, la lumière. Je suis pas sûr qu'en 46 ça soit une technologie bien courante. C'était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire les repérages pour les bombardements d'aviation. Tu prends une lampe. Non mais c'est genre ça existe hein. C'est... D'accord, ok, je pensais que c'était plus récent comme techno. Bon, y a pas de soucis, ça c'est pareil, ça prend pas BZF de place, donc tu peux y aller. Bah pareil, hein, je vais pas me. Ouais, aussi, je vais noter ça sur système lumineux quoi. Ouais, note ça, ouais, voilà. Les trucs de base, voilà. Sauf qu'à la différence de la lampe torche, quand y a plus de batterie, ça s'allume encore. Bah, quand il n'y a plus de lumière sur une lampe, faut taper au cul. Hein. Et pas que la lampe. Et du coup, vous dirigez vers le port Ouais, bah on récupère notre barda et puis. Ouais. Très bien. Rappelle-moi ton nom, Igor, c'est ça? C'est cela, Igor. Je vous attendrai ici pour partir. Très bien. Bon, bah tu guetteras. Le ciel, pour le signal. Et voilà, direction le port. Ok, Kotomov reste derrière en vous indiquant le chemin. Il vous dit, bah, vous pouvez y aller. Allez-y, je vous attendrai ici aussi. Très bien. Merci. Et vous rejoignez en quelques minutes. Le port. Pardon, désolé, j'ai perdu un petit peu les mots. Là, vous voyez des embarcations, certaines modestes, certaines un peu plus jolies, un peu plus imposantes. Tout le monde est en train de s'affairer pour embarquer tout le matériel nécessaire à plusieurs jours de pêche en haute mer. Que faites-vous? Déjà, moi, je demande à notre chef s'il a déjà vu le Igor avant. Enfin, est-ce qu'on a déjà vu ou jamais du tout, du tout? Non, ça doit être un militaire, un petit jeune qui a été affecté récemment, je pense. Ok. Il dit rien à moi. Confiance. Je dis ça, il a 50 ans. Hein? Il a une cinquantaine d'années. Tu dis un petit jeune, mais c'est pas du tout un petit jeune, en fait. Oui. Ok. Donc, faites confiance. On a pas le choix en même temps. C'est ça. Oh, de toute manière, on risque pas grand chose là. Puis il vaut mieux pas qu'il s'interpose dans une mission de Silver Fang parce que ça va être très très grave. Si c'est ce qui est bon pour lui, il bougera pas. Oui. Ce qui est bon pour la mère patrie. Du coup. Bon. Je m'approche d'un équipage. Ouais. On fait une équipage chacun. Parce qu'il y a, je suppose, plusieurs pêcheurs. Est-ce qu'on a le temps? Oui, là vous trouvez. Vous trouvez en fait, vous êtes sur un bateau. Vous voyez le bateau plutôt correct. Avec 4-5 membres d'équipage. Et. Approximativement. Et vous voyez le capitaine qui se démarque un petit peu parce qu'il est beaucoup plus vieux que ses camarades de bateau. Vous allez le voir? Ouais. Allez, cool, je suis. Il vous remarque pas tout de suite, il est en train de plier quelques filets. De les mettre sur son bateau, de bouger quelques caisses. Oh, bonjour! Oui, il surprend un petit peu, il s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne l'interpelle. Bonjour, bonjour. Il remarque tout de suite les écussons, il se tient un peu plus droit. Que puis-je faire pour vous aider? Est-ce que vous auriez 5 minutes à nous accorder? Nous aurions quelques questions. Tu vois qu'il regarde par-dessus son épaule. Il braille 2-3 ordres à ses camarades et qui s'active un petit peu plus. Du coup, il regarde et fait « Oui, j'ai quelques minutes à vous accorder. » Merci. Bon, on aurait quelques questions sur l'île de Providia. Providia. J'imagine que vous allez faire des tours par là-bas, loin. Plus depuis quelques temps. Depuis combien de temps? Un mois et demi, 2 mois. Mm-hmm. On a... voire même un petit peu plus. On a commencé à remarquer quelques bateaux étrangers. Étrangers, quel type? Pour le coup, on n'a pas su dire les premières fois. Ils n'abordaient aucun fanion, aucune marque. Mmh. Vous savez, je suis pas un fin connaisseur, moi. Il n'y a que mon petit bateau qui m'intéresse. Mais ceux-ci semblaient différents de ceux qu'on a l'habitude de voir à Providenia. Et... une couleur? Non, absolument non, rien pas. Du tout. Rien du tout. Mais okay. On a tout de suite compris qui on avait affaire. Un petit mois plus tard, donc c'était il y a un mois et demi environ. Mm-hmm. Quand on a vu débarquer ces enfoirés de drapeaux rouges avec la croix noire au milieu. Mm-hmm. Tu vois qu'ils crachent par terre en même temps. À partir de cet instant-là, on a évité de traîner autour de cette île. Nous ne voulions pas interférer avec leur business. On a préféré reculer nos parties de pêche. Vous avez bien fait. Avez-vous vu des choses étranges? Des choses à noter autres que ce bateau? Mis à part le temps qui a l'air un petit peu plus actif. La météo est un peu plus violente sur cette île. Mais sinon, rien de particulier. Les poissons, la faune, la flore, rien de particulier? Oh, vous savez, encore à une certaine époque, on embarquait bien quelques chasseurs, histoire de pouvoir ramener un petit peu de viande. Mais comme je vous disais, il y a quelques mois... ça s'est un petit peu arrêté. qu'on n'a pas trop de vue sur la faune et la flore locale. Et vous connaîtriez des gens qui auraient un petit peu plus d'infos, qui s'aventureraient encore par là-bas? Oula, non, vous savez, on a vu ces saloperies nazies rentrer sur cette île. Vous ne trouverez que, mis à part les militaires, qui n'ont pas grand-chose à y faire là-bas. Mais sinon, vous trouverez personne aujourd'hui qui est retourné sur cette île. Est-ce que vous êtes au courant d'un corps de pêcheur qui aurait été retrouvé? Enfin, un corps qui aurait été retrouvé par un pêcheur? Oh oui. Oui, c'est un de mes collègues qui l'a trouvé. Il est dans le coin là ou... Oh, il n'est pas retourné en mer depuis qu'il a retrouvé ce corps. Ça l'a traumatisé. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où le trouver? Oui, quelque part en ville, vous savez, je sais pas exactement où. Vous savez, on est juste des connaissances de pêcheurs. On s'entraide sur la mer, mais une fois qu'on est arrivé sur terre, on se salue et chacun vit sa propre vie. Très bien. J'essaye de voir si il essaye pas de cacher des choses, s'il est vraiment honnête ou s'il essaye de m'entuber un peu. Eh ben, fais-moi un jet de... Je prends une fiche au hasard. Bon, de perception. Ça passe. Tu le sens bien honnête. Tu sens qu'il est pas rassuré à l'idée de parler de cette île. Tu peux le comprendre. Le mec, c'est un petit pêcheur. C'est un petit pêcheur random. Lui, il a vu un bateau nazi débarquer sur cette île où il avait l'habitude d'emmener des chasseurs. Où il avait l'habitude d'aller pêcher autour. Et ça fait 2 mois, grosso modo, qu'il ose même plus approcher de cette île, donc ouais, tu le sens, il est vraiment honnête, il a rien. Bon, merci à vous, mon brave. Que la mer vous soit favorable et. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Juste, ouais. Moi? Oui, Alexei. Holy shit. Ça passe pas. Du coup, tu lui dis au revoir. Moi, je voudrais juste une question. Oui. Quand vous approchez un peu de l'île, le plus proche que vous en approchiez ou que vous en soyez approché, vous parliez d'une météo qui, dans l'ensemble, est un peu plus orageuse que d'habitude, mais vous auriez pas senti un truc, genre l'impression d'une présence? Mais vous savez, on est vite de ressentir ce genre de choses quand on est dans la mer. Vous savez, quand on est perdu au milieu de l'océan, on ressent toutes sortes de choses, comme des présences sous l'eau, comme si on nous observait, mais on se dit que c'est la mer qui veille sur nous. Donc on essaie d'éviter, même si en effet, comme vous dites, une certaine tension autour de cette île. Que voilà, il a des épaules qui frétillaient comme s'il avait un frisson qui lui parcourait le corps. Je hoche la tête, signe de compréhension, je le remercie. Il vous demande, mais vous allez vous rendre sur cette île? Peut-être. Ce que nous avons à faire ici, sans vouloir vous vexer, ne vous regarde pas. Oh non, c'est... Ne vous inquiétez pas, je ne veux absolument pas m'immiscer dans vos affaires. Juste pour vous souhaiter bon courage et... Ah, attendez. Dimitri! Tu peux vérifier quelque chose dedans? Dans bateau? Tu peux ramener sous le... Oui, voilà, ça. Tu sens que le mec il parle, il se fait tout de suite comprendre par son... Et là, il revient. Avec un bon bout de papier, assez grand. Il vous le tend, il fait, ça pourrait peut-être vous aider. Je prends la chose et j'inspecte, qu'est-ce que c'est ? Une carte, je suppose. Exactement. Et en fait, c'est vaguement, très vaguement dessiné. Tu sens que ça a été fait un petit peu à l'arrache, mais surtout pour que les chasseurs puissent se repérer. Et tu remarques une croix dessus. Mmh. Et il vous dit, sur cette croix ici, vous avez bâtiment. Bâtiment pour chasseurs, pour ceux qui passaient plusieurs jours sur cette île. Bien, merci. Merci beaucoup. Récente, cette carte ? Aussi récente qu'une carte dessinée à la main puisse l'être. Parce que ça fait un mois et demi du coup que les nazis sont arrivés, c'est ça ? Ouais, à peu près à la volée. Mais donc ça à peu près, elle est datée à peu près de par là. Date même, ouais, tu sens qu'elle a quand même quelques mois avant quoi. Ouais, quelques mois avant, ok, d'accord. C'est mais voilà, c'est, tu sens que après, ça devrait pas avoir trop bougé quoi. Oui, c'est ça. C'est encore d'actualité, faudra juste faire attention. Merci mon brave. Nous vous la rapporterons dès que nous reviendrons. Avec grand plaisir. Je vous souhaite bonne chance. Je lui fais un salut militaire et ouais, je tourne mes talons. Tu vois qu'il tente un peu de timidité, tu vois, mais son âge un petit peu avancé. C'est un geste un peu fébrile, mais tu sens que l'intention elle est là. Du coup, je souris et je lui tends la main pour la lui serrer. Il te la serre chaleureusement. Il est 5h50. Vous rejoignez donc Igor et Kotomov sur le lieu du départ. Et Kotomov tient sa main un deuxième pli. Et cette fois-ci, il est. Regarde, fait. Vlad la bitch. C'est pour vous, je crois. Je m'avance. Je prends ça. Et du coup, je la. Si y a un machin comme tout à l'heure, je la. Tu la décèdes ? Là, pour le coup, j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin de passer en privé. Tu lis à l'intérieur que. Tes généraux te demandent de rentrer parce que. Tes frères sont tombés au combat et tu es un des derniers survivants de cette fratrie et les généraux ont compris. J'essaie de garder la face, on va dire. Mais je me retourne vers le chef. Fais chef. Je lui tends la lettre limite. Je la prends. Je la cache. Chef, je pense que ouais. J'ai pas vraiment le choix. Désolé pour toi, Vlad la bitch. Voilà, non, je sais pas ce que. Bah, du coup, t'as un transport qui t'attend. Ouais, donc je leur laisse le pactage. Je sais pas si. Bah, du coup, il y aura plus. Ils ont fait déjà fait l'heure. Donc, 6h sonnant. Vous montez sur le bateau, le cœur lourd du départ de la beach. Mais avant tout, vous avez en tête votre mission. Vous avez peut-être perdu un camarade, mais il y en a d'autres qui attendent potentiellement sur cette île.